Chapitre 7e. Presque tous les jours, M. de Guibray venait à Kildare, où s'arrangeait pour rencontrer la marquise quand elle se promenait. Il avait pris l'habitude de la voir, elle meublait sa vie, et il se disait que les journées lui paraîtraient longues quand elle ne serait plus là. Quant à elle, elle ne pouvait plus se passer de lui, et il voyait avec terreur approcher la date du départ. Un soir, en la reconduisant jusqu'à l'avenue de Kildare, le vicomte lui dit d'un air inquiet, « Vous savez qu'on jase sur nous ?»« Ah » fit-elle indifférente. « Et ferme. » Elle ébaucha un geste qui signifiait « Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ?» Puis, voyant qu'il la regardait avec étonnement, « Eh oui, autant je me révolte et je m'indigne contre les calomnies, autant je m'incline devant les blâmes mérités. Ce qu'on dit de moi, cette fois, on a le droit de le dire. »« Mais non » s'écria-t-il, « non !»« Ah, qu'est-ce qu'on dit donc ?» On dit ce qui n'est pas, en somme. » Liane resta interdite. En effet, elle n'était pas, à proprement parler, la maîtresse de M. de Guibray. Mais elle lui appartenait si complètement, elle l'adorait si profondément, elle était si absolument sa chose, qu'elle considérait la faute comme accomplie, et qu'il lui importait peu, pour se juger sévèrement elle-même, que le dernier pas fût ou ne fût pas franchi. Elle s'avouait que si cela ne dépendait que d'elle seule, ce qu'on disait serait pleinement justifié. Malgré sa conviction absolue de n'être pas aimée de Jean, elle éprouvait un désir fou d'être à lui tout de même, un besoin de souffrir plus qu'elle n'avait souffert encore. Elle sentait bien qu'elle n'était pour lui qu'une rencontre, qu'elle ne pouvait être que cela. Elle comprenait que sa vie à elle s'achevait dans le sillon creusé depuis 15 ans, alors que lui n'avait pas commencé à vivre de l'existence inconnue qui serait la sienne. Et pour l'instant, elle le devinait partagé entre la crainte de l'opinion publique, impitoyable dans ce tout petit pays breton, et la satisfaction d'amour-propre de se savoir aimé d'elle, qu'il ne considérait pas, cela elle le voyait bien, comme la première venue. Préoccupée, elle ne parlait pas, alors Guibray proposa « Il serait peut-être prudent de nous voir un peu moins ?» Et comme elle faisait un mouvement, il ajouta, pendant quelque temps. Elle répondit, « Je pars vendredi. »« Ah non, pas possible. »« Si, très possible. »« Je ne pourrais jamais m'habituer à ne plus vous voir. »« Que si. » Il allait protester, elle l'interrompit. « Vous avez peut-être du plaisir à me voir, mais vous vous passerez très bien de moi. »« Je vous suis au fond assez indifférente. » Il sourit. Les femmes ont toujours le merveilleux à propos d'attribuer aux autres leurs propres sentiments. Elle le regarda, très convaincue qu'il ne pensait pas ce qu'il venait de dire. Elle croyait deviner derrière son regard franc une sorte de finesse matoise et un manque total d'abandon. Elle demanda « Vous êtes sûr que vous êtes breton, vous ?» Il répondit en riant « Mais oui, pourquoi ?»« Parce qu'on croirait plutôt que vous êtes normand. » Il prit un air fâché. « Vous savez que c'est très méchant ce que vous venez de me dire. Pourquoi m'avez-vous dit ça ?»« Je ne sais pas. » « Enfin, c'est pour une raison quelconque. » « Non, c'est pour l'ensemble. De mieux en mieux. » Liane demanda, « Quand je serai parti, me donnerez-vous quelquefois de vos nouvelles ?»« Mon Dieu, si vous le voulez. » « Mais c'est bien imprudent d'écrire. C'est toujours ainsi qu'on se fait pincer. Pourquoi riez-vous »« Parce que je pense à quelque chose. » « À quoi ?»« À la Normandie, qui est un beau pays, le pays des pommes et de la prudence. » « Encore ?» D'ailleurs, pourquoi voulez-vous avoir de mes nouvelles? Vous ne penserez plus à moi dans 8 jours. Il me semble que vous faites ce que vous reprochiez aux femmes tout à l'heure. Qu'est-ce que je fais? Vous attribuez aux autres vos sentiments à vous. Vraiment? Alors vous ne croyez pas que je penserai à vous? Je crois que l'absence est à l'amour, en admettant que vous appeliez ça de l'amour. J'appelle ça ainsi. Qu'est-ce qu'elle fait, l'absence? L'absence est à l'amour, ce qu'est au feu le vent. Il éteint le petit, il allume le grand. C'est vous qui dites cela? Non, c'est, je crois, sans en être sûr, Bussy Rabutin. Moi, je répète modestement, parce que ça me paraît vrai. Ça l'est? Ah oui, ça l'est. Il ajouta par elle, se raillant comme toujours elle-même. C'est bien pour cela que je suis sûr de mon affaire. Le vicomte s'arrêta. Je vous croyais plus clairvoyante. Et moi, je voudrais l'être moins encore que je ne le suis. « Au revoir. À tout à l'heure. Vous savez que je dîne chez vous ce soir. »« Oui, je le sais. » Quoiqu'il n'y eût à dîner que Guibray et Villiers-Nofle, la marquise s'habilla comme s'il y avait beaucoup de monde et lorsqu'elle entra dans le salon, Fauché s'écria « Matin !»« Qui donc voulez-vous éblouir ? Est-ce Jacques, Guy Bray, Villeneuve ou moi ?»« Je vous avertis que moi je suis très difficile à éblouir. » Elle se mit à rire. « Soyez tranquille, je ne ferai rien pour cela. » « C'est le tort que vous aurez. Mes éblouissements, appelons ça des éblouissements pour être convenables, sont peut-être délicieux, on ne sait pas. » Jacques s'est élevé pour examiner la toilette de Madame de Gueldre. Il s'inclina profondément et en voyant du bout des doigts un baiser sonore. « Jolie, jolie la cousine Liane. » La marquise sourit, contente au fond, car Jacques était difficile et peu complimenteur. Depuis quelque temps, elle se préoccupait d'être ou de n'être pas jolie. Pour la première fois, elle s'examinait avec une attention inquiète, découvrant d'un œil férocement clairvoyant les moindres imperfections et se jugeant avec une impartialité absolue. Alors elle se prenait à regretter la vraie jeunesse, que rien ne vaut ni ne remplace, la jeunesse avec sa fraîcheur de fleurs et son duvet de fruits. Elle trouvait ses yeux moins brillants, ses cheveux moins lourds. Elle regardait chaque jour les petites rides de ses yeux avec le même serrement de cœur que si elle les apercevait pour la première fois, et les cheveux bleus des tempes, qui jusqu'ici l'avaient fait rire, lui donnaient à présent envie de pleurer. Souvent elle se disait qu'après tout elle était encore jeune, que pendant 5 ou 6 ans, peut-être plus, elle resterait sinon jolie, du moins désirable, puis tout à coup elle pensait « Non, ce n'est pas vrai, c'est fini. » Et le désespoir la prenait, de vieillir précisément à l'heure où pour la première fois elle aimait. Elle trouvait, contrairement au dicton qui dit qu'on n'a que l'âge que l'on paraît avoir, qu'au contraire on a l'âge qu'on a, et elle jugeait que seule la jeunesse excuse l'amour. La phrase de Jacques « Jolie, jolie la cousine Liane » lui rendit un peu de confiance, et le coup d'œil très admiratif que lui lança en arrivant Villeneuve acheva de la tranquilliser. À table, elle fut plus gaie qu'elle ne l'avait été depuis longtemps, et comme Fauché, à moitié content, à moitié malicieux, en faisait l'observation, le marquis s'écria « À propos de gaieté, c'est votre oncle, Guy Bray, qui n'était pas gai pendant votre dernier déplacement. Le pauvre bonhomme faisait peine à voir. C'est vrai, il ne peut pas vivre seul. Il faut absolument que quelqu'un lui tienne compagnie, et comme ce quelqu'un, c'est toujours moi, je trouve ça un peu sévère. » D'un ton grave, Fauché conseilla « Voyez-vous, vous n'avez qu'une chose à faire. Laquelle ? Mariez-vous. Pourquoi ? Pour pouvoir aller vous promener. Votre femme gardera l'oncle Jardin et pendant ce temps-là, vous serez libre. »« Ah ! » dit en riant le vicomte. « Je n'avais jamais envisagé à ce point de vue le mariage, auquel d'ailleurs je pense très souvent. »« Quelle drôle d'idée de penser souvent au mariage ! » fit Jacques d'un air ahuri. « Moi, je me suis fait une fois arracher une dent, il le fallait. Je n'en souffrais pas, mais... on m'affirmait que j'en souffrirais plus tard. Eh bien, je me suis appliqué de tout mon pouvoir à ne penser à ma dent qu'en posant un pied craintif sur le paillasson du dentiste. » Guy Bray protesta. « Ah, mais moi, je ne suis pas du tout hostile au mariage. J'estime qu'il faut se marier. » « Moi, j'estimais aussi qu'il fallait arracher ma dent, mais je ne trouvais pas ça drôle. » « Je me marierai très volontiers, » affirma le vicomte. « Mon oncle n'a qu'à me trouver une femme. Je la prends les yeux fermés. » « Ceci est excessif. Pourquoi ? Je suis sûr que mon oncle la choisira riche. Il a tiré longtemps le diable par la queue. Et jolie, il a eu ma tante sous les yeux pendant 40 ans. Et puis il la choisira comme il voudra. Au fond, je m'en moque un peu, vous savez. » Il ajouta, après un instant de réflexion, « Seulement il est probable que d'ici au printemps, ce sera bouclé, cette affaire-là. » Très pâle, silencieuse, le regard voilé et le sourire glacial, Liane écoutait avidement. Certes, elle savait bien que Jean se marierait, mais elle ne croyait pas que ce fût ainsi, tout de suite. Elle ne s'attendait pas non plus que devant elle, il traitât cette question qui la bouleversait affreusement. « Qu'est-ce que vous voulez ? » demanda Fauché. « Je vais vous trouver ça, moi. Je veux de l'argent, le plus possible. C'est convenu. Mais comme femme, qu'est-ce que vous voulez ? Une jeune fille, bien entendu. Pourquoi, bien entendu ? « J'épouserai très bien une veuve, ça m'est égal. »« Pas moi, jamais. »« Mais pour quelle raison ?»« Parce que je ne me crois pas assez réussi pour affronter une comparaison continuelle avec un monsieur qui, par ce seul fait qu'il est mort, se trouve subitement paré de toutes les vertus les plus étrangères à son tempérament. »« « Alors vous n'épouseriez pas une veuve ?»« Ah, fichtre non. Moi, voyez-vous, j'aime mieux une femme qui a eu plusieurs aventures qu'un seul mari, parce qu'au moins, elle n'en parle pas. »« Oui, » fit Guibray, qui riait. « Oui, certainement. Mais une jeune fille, c'est bébête, ça demande à être débrouillée. Il y a tout un travail préparatoire à exécuter. »« Eh bien moi, justement, quand j'achète un livre, j'ai presque autant de plaisir à le couper qu'à le lire. » « Et vous, madame ?» demanda Villeneuve, le se tournant vers la marquise. « Quel est votre avis ?» Elle répondit d'une voix blanche, dont le son étrange la surprit. « Oh, moi, je n'ai pas d'avis sur des questions aussi graves. » Puis comme le dîner finissait, elle prit le bras de Villeneuve et passa dans le hall où elle se mit à servir le café. Guibray vint auprès d'elle et lui dit très bas « Que vous êtes jolie ce soir. » Et il ajouta « de cette voix caressante qui la faisait rougir et pâlir. « Je voudrais tant vous embrasser. » Une partie de billard commença entre Villeneuve, le Fauché, M. de Gueldre et Jacques. Le vicomte se mit à causer avec les joueurs, tandis que la marquise, assise sur le divan, rêvassait, se répétant douloureusement. « Dans 3 jours, je ne le verrai plus. » Elle fut tirée de sa rêverie par la voix de son mari qui disait « Comment, Liane ?» « Guibray ne connaît pas votre nouveau poney ?»« Non, répondit-elle, je n'ai pas pensé à le montrer à M. de Guibray. » Le marquis reprit, s'adressant au jeune homme. « Après la partie, nous irons le voir, il est drôle. » « Mais, » dit Liane, saisissant cette occasion d'être seule avec Guibray, « nous pouvons y aller tout de suite. »« Prenez garde au feu !» cria M. de Gueldre en la voyant sortir, suivi du vicomte. « Faites-vous éclairer par Pierre !» Les domestiques dînaient. Liane, sans appeler personne, décrocha une des boules de verre suspendues à la porte des communs et entra dans l'écurie. Là, elle posa la lanterne et ouvrant le box du poney. « Voilà Moucheron, » dit-elle. « C'est mon beau-frère qui me l'envoie de Dublin. N'est-ce pas, il est joli. Il est rond comme une pomme. » Elle fit un pas pour entrer dans le box, mais Guibray la retint, l'enveloppant étroitement de ses bras, et la regardant bien droit dans les yeux d'un regard qui, cette fois, lui parut non plus seulement caressant, mais infiniment bon et tendre, il lui dit d'une voix chaude « Je vous aime ». Brisée de bonheur, elle répondit de toute son âme « Moi aussi, je vous aime ». Pour la première fois, elle se croyait aimée. Pour la première fois, elle croyait que, au moins pendant 7 minutes, Jean était à elle comme elle était à lui. Et ce fut elle qui, prudente, dit en montrant leurs ombres rapprochées qui se dessinaient gigantesques et tremblantes sur le grand mur blanc de l'écurie « Prenez garde, rentrons. »